Gorilla. Mon unique, mon unique, mon seul amour, c'est bien toi. Oh, yes, in a hole, should go in love.